Le nouveau monde, la forêt. Booze baissait la tête, un maigre sourire sur le visage. Il m'avait raconté toute son histoire, de sa survie parmi les rats à sa montée jusqu'au nouveau monde, là où une chauve-souris du nom de Bender l'avait recueilli. Et là, dans sa cabane de fortune, au creux d'un arbre, il baissait la tête, en souriant tristement. Un rat l'avait mordu. Et cette morsure avait introduit dans son corps robuste une maladie capable de détruire tous les Bifwish. Et tout ça, ça nous ramenait à un laboratoire. Le laboratoire des mystérieux humains. Ils ont fait des expériences sur ce qu'ils appellent des animaux. Les rats, les chauves-souris, les hiboux, les rats. Ratis. Il y a quelque temps de ça, Ratis et les siens se sont enfuis. Ils ont creusé des tunnels. Ils sont arrivés dans le monde des Bifwish. Oui, ce ne sont pas des rats normaux. Alors tout viendrait de ce laboratoire. Tout vient de ce laboratoire. Planqué quelque part dans la forêt. T'y aller ? Oui, une fois, Bender m'a montré... Bender a surgi dans l'arbre tentant d'atterrir en douceur. Ce qui chez cette chauve-souris n'était pas très évident. Oh merde, j'y arrive toujours pas. Salut Bender, ça va ? Ouais, bon, fais aller. Squeak, je te cherchais partout. J'étais avec Booz et on a préféré se cacher au cas où il y aurait d'autres rats dans le coin. Bien, comment te dire que Mila a eu un truc ? Mila ? Qu'est-ce qu'elle a ? Je sais pas comment vous dire ça, les mecs, mais... quel mot je pourrais trouver pour vous dire que Mila, elle a été blessée ? Elle est où ? Bender, où est-elle ? Mila, les rats avaient blessé Mila. La cité des rats. Fais gaffe ! Fais gaffe ! Oui, je sais où je vais ! Je sais où je vais ! Bender se posait comme à son habitude. Je roulais sur le sol, avalant la poussière. C'est Bender qui vient nous voir ! Oh, Bender ! Je me relevais tant bien que mal. À quelques pas de moi, Bruce faisait de même. Et traversant la foule d'écureuils et de lapins qui s'étaient amassés autour de nous, Berthold nous rejoignait. Squeak, enfin... Mais... Berthold, voici Booz, notre compagnon. Un autre Bifwish. Salut Berthold. Enchanté. Où est-elle ? Où est Mila ? Squeak, je... Berthold, où est Mila ? Son cœur bat très lentement. Le cœur de l'arbre. Un abri creusé dans le bois et couché sur un tapis d'herbe. Mila, plus petite que les brins d'herbe. Si fragile. Elle gémissait, son front trempé de sueur, et sur son sein gauche, une tache de sang qu'un maigre pansement de feuilles tentait d'épancher. Elle ne va pas passer la nuit. Je fis quelques pas vers elle. Derrière, Booz n'osait pas bouger. Mais là... Et le soleil se levait. Tout ça, c'est votre faute. Si vous ne nous aviez pas bannis, elle, nous n'aurions pas rencontré les rats, César. César, l'un des quatre sages du Conseil des Halls. L'un des quatre sages qui avait décrété que nous étions si différents d'eux pour vivre à Éole. L'un des quatre sages qui nous avait définitivement condamnés à l'exil. Pamila. Si je peux me permettre... Pamila, elle ne peut pas mourir. Moi, je peux la soigner. Quoi ? Bender s'avança. Il était peu sûr de lui, grattant le bois d'une de ses pattes. Disons que... les rats l'ont touché au cœur. Si je la soigne, il y a peut-être une chance, la maladie se propage pas. Il est encore temps de la circonscrire, si vous voyez ce que je veux dire. La maladie ne s'est sûrement pas encore propagée dans le sang, quoi. C'est peut-être le seul moyen, Squeak. Moi, il m'a sauvé la vie. J'ai échangé un regard inquiet avec Booz. C'était notre seule chance. Ce serait de la folie de laisser cette chauve-souris déglinguée par les hommes s'occuper de votre ami. Laissez-nous faire. Peut-être a-t-elle une chance de... Laissez-moi une chance, au moins. Je suis peut-être porteur de la maladie des rats, Squeak. Mais j'ai survécu. Je regardais Mila. Elle souffrait, elle... Mila, elle ne devait pas mourir, elle ne pouvait pas mourir. Bender... Elle va mourir. Bender ne s'y connaît en rien. Il a été trafiqué par les humains. Justement. Il a peut-être plus de connaissances que vous, César. Bender, n'oublie pas que... Chouette, je vais faire comme dans Urgence. Non, Squeak, t'inquiète pas, j'ai guéri Booz. Personne mieux que moi sait guérir la maladie des rats. J'espère. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Sur son lit, Mila ne bougeait pas. Elle transpirait. Elle mourrait. Bye.